Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le cinéma érotique du Québec des années 70. C'est toujours lié avec une sexualité d'ici. Je dirais que finalement, si on regarde surtout les deux, Valérie et l'Initiation, j'ai l'impression que c'est juste qu'ils rejoignent une sexualité d'ici et donc, dans un certain point de vue, drôlement aliénée. Le réalisateur Denis Héroux à l'émission Présent en mai 1970, c'est Denis Héroux qui lancera cette nouvelle vague de films érotiques réalisés au Québec à la fin des années 60 et durant les années 70. En 1969, le succès remporté par son film Valérie pousse d'autres réalisateurs à se lancer dans l'aventure des films de fesses, comme on disait à l'époque. Claude Fournier va réaliser Deux femmes en or en 1970. Le film va fracasser tous les records d'entrée. 1,5 million de spectateurs vont voir ce film. Au total, une quinzaine de films érotiques seront produits au Québec sur un peu plus de 10 ans. Si la valeur artistique de ces films est plus que discutable, ils témoignent néanmoins de cette grande révolution sexuelle qui balaie l'Occident et où le Québec cherche à se sortir d'une sexualité trop souvent aliénée, pour reprendre l'expression de Denis Héroux. C'est trop et c'est bien trop court. Quand j'ai fait Valérie, il y avait des objectifs qui étaient d'une part de ramener des spectateurs dans des salles de cinéma. Deuxièmement, c'était de faire une espèce de scandale pour s'attaquer à cette question. Mon slogan que je me suis découvert en le faisant, c'était d'essayer de déshabiller sa voisine, la petite Québécoise. Parce que tout ce qui venait d'ailleurs, finalement, on le recevait assez bien. Mais on n'assumait pas nécessairement d'une façon adulte une certaine forme de sexualité d'ici. Mon amour, un jour il viendra, mon amour. Il reste que si les films de Denis Héroux marchent si bien du point de vue public, c'est indubitablement parce qu'ils correspondent à un besoin sociologique. Parce que c'est la première fois que les gens d'ici peuvent se voir sous un certain jour au cinéma et qui leur fait croire qu'ils sont égal aux gens des autres pays, finalement. Et que les fesses ne sont plus exotiques. Ne sont plus exotiques, ça devient... Les gens commencent à être possesseurs de leurs fesses, comme de l'Hydro-Québec, peut-être. C'est peut-être ça, finalement. C'est une œuvre nationale. Sur la musique du film « L'initiation », on entendait le réalisateur Denis Héroux dans une entrevue accordée en 1973 et le sociologue Denis Tremblay dans une entrevue qui date, elle, de 1970. Pour nous raconter cet épisode lubrique de notre cinématographie, mon collègue Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio, à la télé. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. Revenons sur cet extrait qu'on vient d'entendre, sur ces extraits. Dans quelle mesure, de fait, ces films érotiques qu'on fera au Québec dans les années 60-70, dans quelle mesure ils s'inscrivent vraiment et participent vraiment à ce grand mouvement de libération sexuelle? On peut parler de thérapie collective. Vraiment? Parce que les films ont été très populaires. Denis Héroux disait que jusque-là, le seul film érotique qu'on ait eu au Québec, c'est Aurore, la petite enfant martyre. Ouf. Parce que ça a un caractère sadomasochiste. Ouais. C'est à peu près ça. Donc, dans ces films-là, pas de Kama Sutra, on s'en tenait au minimum, mais le libertinage, la liberté sexuelle, la virilité, la chasteté, le désir, le plaisir... Toutes ces questions-là étaient abordées, l'échangisme aussi, oui. La fidélité. Alors, on abordait ces questions-là et Denis Héroux le fait de façon extrêmement symbolique. Quand on voit Valérie aujourd'hui, c'est assez soft, oui. C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est l'histoire du Québec. Parce que c'est l'histoire d'une orpheline qui quitte donc le couvent où elle était, donc elle aurait été religieuse, pour devenir danseuse à gogo et prostituée. Elle va rencontrer un homme, va-t-elle choisir cet homme qui a un enfant ou cette vie de libertine? C'est l'histoire du Québec, ouais. Enfermé dans un monde religieux qui va découvrir la sexualité, c'est ça l'époque, la fin des années 60, et devoir choisir sa voie entre la vie conjugale et le plaisir des sens. Mm-hmm. C'est exactement ça. Quand elle l'a tourné, le film, hein, Daniel Ouimet ignorait qu'elle tournerait véritablement nue. Ça, elle voyait que... Elle faisait le scénario, puis elle ne se rendait pas compte, en fait. Ben, comme on ne le faisait pas jusque-là, elle devait supposer que ce qui était là serait évoqué au cinéma, pas montré. Le plus curieux, c'est qu'on ne voit que sa poitrine, mais des gens s'obstinent avec elle encore aujourd'hui en lui disant « Vous étiez entièrement nue ». Elle dit « Non ». Et c'est ça, ces films-là, le pouvoir de l'imagination. Mm-hmm. Dans un monde cinématographique où les avancées, à l'époque, à la fin des années 60, ça a été pour un de montrer des seins, pour un autre, je parle un peu partout dans le monde, ouais. Un autre un pubis, un autre sexe ouais. masculin, la nudité frontale, tout ça, tranquillement, a changé le cours des choses. Parce que, de fait, le Québec ne fait pas figure d'exception. Il se passe quelque chose dans le monde, dans ce monde de la fin des années 60, du début des années 70, du cinéma érotique, il y en a un peu partout. Oui, par exemple, les Suédois font « Je suis curieuse », un film qui aura un grand succès aux États-Unis. Les Allemands ont créé un personnage, Helga, qui était donc une occasion pour le cinéma allemand de faire de l'éducation cinématographique. Il y aura deux films. Le premier, je crois que c'est 4 millions de spectateurs en Allemagne, autant en France. Alors, vous voyez, on décoinçait les choses. Mm-hmm. Le cinéma avait cette fonction-là. Je vous rappelle qu'à l'époque, la télévision était beaucoup plus chaste. Le Paradis terrestre avait montré deux hommes qui se tenaient la main dans une scène. Et puis après, le téléroman a été retiré des ondes. Ouais. Alors, vous voyez que là, le cinéma, ici, faisait preuve d'audace. Est-ce qu'il est différent, ce cinéma érotique du Québec, par rapport à ce que les Suédois, les Allemands, à Hong Kong aussi, il y aura toute une série de films érotiques qui sont tournés là-bas dans ces années-là. Il y a un magazine américain, en tout cas, qui a parlé, Michel Coulon, je ne sais pas si vous connaissiez cette expression, de maple syrup porno, de porno sirop d'érable, en disant, ouais, il y a une petite touche. On disait dans cet article, c'est un peu candide, c'est un peu romantique, sirupeux. Est-ce qu'il y a effectivement une touche québécoise dans ce cinéma érotique? Bon, déjà, personne ne se roule dans le sirop d'érable, je vous préviens. Si vous cherchez les scènes, il n'y en a pas. Porno, c'est vraiment exagéré. Ouais. C'est de l'érotisme soft dont il est question, mais c'est néanmoins audacieux. Mais c'est certain que ce que nous, on a apporté, et c'est Claude Fournier qui le fait, c'est l'humour. Ouais. Pour décoincer la chose, on s'est mis à parler de sexualité, à montrer la sexualité dans quelque chose de divertissant, de léger, en disant, mais voilà, c'est pas qu'un devoir conjugal, c'est aussi quelque chose où vous pouvez trouver un certain plaisir. Donc, on le fait en poussant très loin la carte de l'humour. Mm-hmm. Revenons à Valérie et à Denis Héroux. Dans le contexte, quand même, c'est culotté de décider de faire... Oui, c'est déculotté. C'est déculotté. Pourquoi? Pourquoi il décide de se lancer dans cette aventure-là? Il veut faire du cinéma commercial. Il avait essayé avec Seul ou avec d'autres, un film qu'il a co-réalisé à l'Université de Montréal. Il cherchait des formules. Et comme il n'y avait pas encore un financement stable pour notre cinéma, ben, il fallait faire ses frais. Donc, il y avait là un créneau. Il a vu ce qui se passait. C'était le peace and love, c'était la pilule, l'avortement, tout ce qui était dans l'air du temps, Woodstock, bien sûr, et puis ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Et il s'est dit que nous, aurions un rapport différent, particulier, à une sexualité qui nous ressemblerait, c'est-à-dire où on pourrait dire, tiens, c'est Céline Lemaise, mm-hmm. tiens, c'est Jean Coutu, ah ben c'est Chantal Renaud, Donald Lautrec, Daniel Pilon, donc des gens qu'on connaît. Ce facteur de reconnaissance fait que c'est pas ailleurs. Ouais. Les gens ont une vie sexuelle. Non, ici, peut-être aussi. Mm-hmm. Et ça va marcher. Ça va marcher au Québec. Valérie, ça va même marcher en France, là, Michel Coulombe. Au-delà de la France, ouais. Une quarantaine de pays... ont quand acheté même. Valérie, ce qui est quand même pas mal, mais comme je vous disais, ça correspondait à un courant, donc il y avait un appétit hein, pour ce cinéma-là, et ce qui va amener Denis Héroux à faire des coproductions, à intégrer par exemple Jacques Ribrol, un acteur français, à ses films, il est dans l'initiation, à tourner 7 fois par jour en Israël avec Jean Coutu, pour couvrir ce marché international ou enfin rendre notre cinématographie plus attrayante pour eux parce qu'il y a des facteurs exotiques, disons. Ouais. Donc Valérie, tout de suite après, il sent bien, d'abord ça marche, il a un bon filon, il va faire l'initiation qui va être aussi un film important. Déjà en couleur, c'est un peu plus. Ouais. Et puis il va suivre Claude Fournier justement qui, avec, il y a deux réalisateurs qui vont tourner, les deux réalisateurs qui tourneront le plus de films érotiques de ce genre-là. Ils en font chacun 4. Voilà, Claude Fournier et Denis Héroux. Fournier va signer donc en 70 Deux hommes en or. Deux femmes en or, pardon. Gigantesque succès. Pourquoi? Ben, gigantesque succès parce qu'il a cette idée d'y ajouter effectivement une note humoristique. Donc, ces deux banlieusardes, elles sont à Brossard, dont les maris s'occupent pas vraiment. Ils sont infidèles ou alors un peu ennuyeux. Et donc, elles ouvrent leurs portes. C'est tout ce qu'elles font. Si un homme frappe à leur porte, ben, elles sont très accueillantes. Après, les hommes qui viennent chez elles, Ben, c'est pas des canons de beauté non plus, je veux pas en dire du mal, mais bon, Gilles Latulippe, Paul Buissonneau, Paul Berval, Yvon Deschamps, on est du côté des humoristes, donc il y a beaucoup moins de sexualité que de plaisir de la rencontre ou de peur. Et donc, on est dans quelque chose d'extrêmement léger où on voit les femmes, mais c'est toujours un cinéma réalisé par des hommes, un cinéma hétérosexuel qui adopte un point de vue donc masculin, hein, c'est ce que fait aussi Deux femmes en or. Donc, on a tous ces hommes-là qui rencontrent les deux femmes, interprétées par Louise Turcot et Monique Mercure. Et à la fin, elles se trouvent en justice, puisqu'un de leurs amants est mort pendant, au lit. Et là, on a un juge, et ça vous explique toute la chose, qui est Michel Chartrand, qui a cette période-là de sa vie, était plus souvent en prison qu'autrement. Enfin, il avait des démêlés avec la justice. Alors, le présenter comme juge, ça donne tout de suite le ton du film. On est effectivement dans la critique sociale aussi. Ouais. Et puis, on présente les choses avec tellement de légèreté que c'est irrésistible. Un truc qui peut paraître étonnant avec le recul, qui est assez fascinant, puis je suis curieux de vous entendre là-dessus. Il y a, vous en avez nommé quelques-unes, de grandes vedettes qui décident de jouer dans ces films. C'est plus les femmes qui sont déshabillées que les hommes, mais quand même, il y a des hommes connus qui accepteront de se déshabiller dans ces films. Pourquoi ces grands noms veulent jouer dans ces films érotiques? Parce qu'on les voit, parce qu'on en parle, parce que c'est un sujet de société, parce que ça va pas si loin non plus. Mais bon, les humoristes, par exemple, Gilles Latulippe a été dans plusieurs de ses films, col roulé, manche longue, donc on le voit pas nu. Bon, il y en est question, mais c'est pas plus que ça. Des chanteurs à gogo de l'époque, Chantal Renaud, par exemple, vont se trouver là, mais ça fait aussi partie de leur rapport avec le côté people de la presse à Potin. Ah oui, vous êtes dans ce film-là, est-ce qu'on vous voit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cohérence, c'est du cinéma populaire. Absolument. Bon, il y en a qui ont des surprises. Quand Donald Lautrec a tourné un film érotique, il avait spécifié pas de scène absolument nue, et puis il s'est retrouvé au cinéma, et puis il a vu un pénis. Ah bon? Et c'est pas lui. C'est pas vrai. C'est pas le sien, en tout cas. donc, on faisait parfois ce genre de surprise aux acteurs. Alors, vous voyez, il y a des curiosités aussi. Mais pour ces gens-là, donc, c'est une vitrine. Un peu comme dans les années 2000, le cinéma québécois est devenu très populaire. Et on a vu des humoristes qui, jusque-là, auraient payé pour pas être dans un film québécois, vouloir en faire absolument. Il y a là un facteur de popularité. Ouais. Et tous ceux qui veulent être vus, effectivement, vont de ce côté. Ouais. Il reste que c'est les années 70 au Québec, donc certaines vedettes décident de figurer dans ces films. Ça plaît pas à tout le monde. Et même ceux et celles qui sont dans ces films ont de la peine à défendre ce qu'ils viennent de tourner à cause de cette espèce de malaise. C'est le Québec puritain des années 70. Écoutez bien cet extrait. Écoutez à quel point Louise Turcot et Monique Mercure, qui sont donc de ces deux femmes en or, tournent autour du pot à la sortie du film en 1970. Voici donc ces deux femmes en or, et qui de mieux placé pour nous dire ce que c'est que cette histoire des deux femmes en or? Qu'est-ce que vous êtes au juste dans ce film? Mon Dieu, je pourrais dire que nous sommes deux ménagères, deux petites femmes de banlieue. Mais il n'y a pas la matière à faire un film. Il leur arrive des choses à ces deux femmes. Croyez-moi, il y a matière. Ces ménagères sont tellement parfaites qu'elles sont des femmes en or. Mais ce n'est pas ce qui motive le titre du film. Disons que ce qui motive le titre du film, c'est aussi un moment important dans le film qui fait que tout progresse vers là. Si je vous le révélais aujourd'hui, peut-être que vous ne voudriez plus voir le film. Bien oui, puisque vous êtes dedans, on dirait de toute façon. Alors autant nous en dire un peu plus. On a lu le cahier de presse quand même, et on sait que ces deux femmes en or s'ennuient dans leur banlieue. En effet, oui. Et se cherchent des activités. C'est ça, vous avez bien deviné. Ce sont des activités qui vont devenir récompensées monétairement, si on peut dire. Ça va leur apporter de l'argent. Je ne peux pas dire de quelle façon exactement. Disons que c'est pour ça qu'elles sont deux femmes en or. C'est assez succulent comme extrait, Michel Coulombe. On pourrait penser que ces deux femmes ont un jardin et qu'elles vont vendre leurs légumes. Exactement. Tant elles font effectivement attention de pas trop en parler. Mais ce sont des actrices, Louise Turcot, Monique Mercure, qui avaient une autre carrière, un autre profil, qu'on ramène bien des années plus tard, elles sont toujours vivantes, à ce moment de leur carrière où elles sont un peu dévergondées. Elles ont joué ce jeu-là de se dénuder, les seins encore. Mais ça leur fait pas forcément plaisir, d'autant que le film a eu, semble-t-il, 1 500 000 spectateurs. Ce succès a profité aux distributeurs, aux producteurs, aux réalisateurs, mais pas aux actrices, ouais, qui ont ce ressentiment des années plus tard. Mais on ne met pas toujours la chose. Cela dit, on a fait, à cette époque-là, des vox pop, hein, à la sortie des salles, pour savoir si les gens qui, jusque-là, voyaient, bon, aucune trace de sexualité dans le cinéma québécois, la télévision québécoise, notre monde médiatique, personne n'était effarouché. Ouais. Il y avait là, bon oui, un côté coquin, un côté parfois un peu grivois, des touches de vulgarité, mais quelque chose qui nous ressemblait. Ouais. Ben, s'il y a des enfants, c'est peut-être qu'il y avait eu aussi des traces de sexualité quelque part. Donc, personne voulait mourir après avoir vu ça. Bon, il y a eu quand même, ouais, quelques personnes qui résistaient, puis il y a des gens qui étaient assez critiques, mais les spectateurs, eux, étaient pas mal à l'aise face, ouais, à la chose. Puis en plus, dans le cadre de Femmes en or, c'était, on y revient, mais c'est rigolo, on rit franchement, on va voir ces gens qu'on aime sur le grand écran. Il y a tout ça là qui participe. On veut déménager à Brossard pour tenir un jardin. C'est vous qui le dites. Revenons à ceux qui, justement, parce que c'est surtout l'Église, mais il y a quand même un Québec qui va s'indigner devant cette vague de films, parce qu'on parle pas d'un film, là. Il y en aura une quinzaine sur un peu plus de 10 ans. On écoute le père, qui est une vedette à l'époque. Moi, je ne le grosse vedette. Pas, mais j'ai fait une petite recherche. Le père Marcel-Marie Desmarais, qui parle de ça, qui s'indigne carrément à l'émission Formatante en avril 1971. Ce qui m'indigne, c'est que depuis quelques années, la province de Québec est devenue en quelque sorte un dépotoir international pour les films pornographiques, ce que nos gens appellent les films cochons. Et nous avons non seulement des films qui nous viennent surtout de Scandinavie, surtout de Suède, mais depuis quelques années, nos cinéastes canadiens sont venus verser leurs poubelles. Et là, je trouve que trop, c'est trop. Dans les films que je dénonce actuellement, la plupart du temps, l'histoire est inexistante, le dialogue est très pauvre, les images habituellement sont très belles. Le cadrage, tout ça, techniquement, c'est magnifique, mais les nudités viennent, on ne sait pas trop pourquoi et comment. Alors manifestement, le père Marcel-Marie Desmarais n'apprécie pas tellement cette vague de films érotiques qui s'abat sur le Québec, Michel Coulombe. Cela dit, on comprend qu'il allait voir les films. Ben, c'est probablement que c'est un grand professionnel. Voilà, un grand professionnel. Remarquez que les cotes qu'on donnait aux films, de 1 à 7, hein, comme on peut voir dans les horaires télé, à l'époque étaient données par des prêtres. Ah bon, encore? Donc, effectivement, par devoir professionnel, ils allaient voir les films pour dire, ah, vraiment, mœurs bon, douteuses ou grossière indécence. Il y a un autre membre du clergé, le curé de Saint-Roch, donc à Québec, Raymond Lavoie, qui est allé encore plus loin. Il a fait saisir des copies de deux films, Pile ou Face et Après-ski. Ah bon? Et intenter un procès qui, donc, entraînera, et ce sera la seule fois, une peine, un verdict de culpabilité pour le film Après-ski. Mais ce sera des années après sa diffusion, donc ça gênera personne. Et puis même, ce film, donc sorti au début des années 70, Après-ski, aura une nouvelle vie dans les années 80, quand il y aura des VHS, puis des DVD, et on ajoutera 24 minutes qui avaient été coupées à l'époque. C'est vous dire que, bon, ce qui était supposément beaucoup trop léger ou, ouais, trop affriolant ou trop pornographique, quand le mot ne s'applique vraiment pas, mais trop érotique, ben, va être amplifié des années plus tard parce que déjà le consensus social, et c'est le fondement, ouais, de la chose, aura bougé. L'Église est clairement dépassée, si on le sent. Et dans le film Après-ski, puisque moi je l'ai vu des années plus tard, ben, il n'y a pas grand-chose. Tout ça, c'est, avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est de la petite bière, là. Oui. Et ça dit comment une société évolue, sur quelle base, et ce qui est effectivement un changement, hein, dans la société à ce moment-là, aujourd'hui nous apparaît comme, ouais, finalement assez charmant, parce qu'on regarde, ouais, ça, puis on se dit, on s'est énervé pour ça. Moi, quand j'ai vu Après-ski, sérieusement, je m'attendais à du hard, je me disais, ah, quand même, un procès, ouais, culpabilité, il y aura des choses là-dedans qui pourraient me choquer. Ben non, rien du tout, mais les temps ont changé. Michel Coulombe, vous êtes critique de cinéma. Parlons de la qualité artistique et cinématographique de ces films érotiques québécois des années 70. On écoute d'abord un petit extrait du film de Claude Fournier, La pomme, la queue et les pépins, réalisé en 1974. On est supposé être en voyage de noces. On l'est. Veux-tu répéter ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux pas que tu dises. Je veux que tu touches! On fait l'amour en vitesse la veille de notre mariage, puis depuis ce temps-là, rien. Le nez à le désert, non, fils! J'ai fini de jouer au voyage de noces pas à lune de miel. Le premier soir, c'était l'énervement. Le changement de chambre, de lit peut-être, un peu de fraîche, une drôle de démangeaison. Et enfin, la nuit passée, le revirement d'estomac. Martial Roy, quand on veut, on peut. Ben, Chris, je veux, mais je peux pas. Un petit mot quand même pour mettre ça en contexte. Qu'est-ce que ça raconte, ce film, Michel Coulombe? Ben, c'est un homme qui a des problèmes de virilité, donc voilà. Avant l'existence de substituts Viagra et ben, autres. Ben voilà, donc ouais. Il est en panne et puis on en parle. Cela dit, c'est pas du tout vulgaire si on compare à ce que Roméo Pérus et Réal Bélan ont comme échange autour d'une table de billard. Dans le même film. La pomme, la queue, les pépins. Là, vraiment, on atteint certains sommets. Et ça va entacher la réputation du cinéma québécois. Libérateur d'un côté, mais aussi marquant de l'autre, parce que pendant des années, quand les films érotiques seront complètement appartiendront au passé, hein, seront dans notre passé lointain, on aura des gens qui vont dire cinéma québécois, ouais. Des films de cul, des ouais. Films de fesses, du cinéma bas de gamme. Les gens y allaient, mais il y avait un plaisir coupable. N'empêche, ça va marquer au fer rouge notre cinématographie. Bien sûr, la critique à l'époque était dévastée. Mais là, on voyait des films de Jean-Pierre Lefebvre, des films de Jean-Claude Labrecque, de Denis Arcand, de Claude Jutras. Puis, au travers ça, ces films qui étaient une forme d'exutoire, un collectif, où on avait le plaisir facile... qu'on écrivait rapidement, ouais. Parce que ben on les tournait les uns derrière les autres. C'est pas 2 ans à écrire un scénario et tout. Non, c'est effectivement quelque chose qui est dans le vite fait, ouais. Mais qui avait une fonction sociale. Ça se termine quand, Michel, et pourquoi? Ça se termine au début des années 80. Il faut bien dire que ben, l'accès aux différentes images va changer à partir des années 80. Il y aura à la télévision des cases même dévolues à un cinéma beaucoup moins inoffensif que celui-là. Mais au début des années 80, on fait un film qui s'appelle Scandale. Donc, ce film-là sera le dernier. Mais en fait, l'essentiel de cette vague, c'est de 1969, Valérie, à 1974. Là, les trois quarts des films en question là, vont se tourner dans cette période. Après, on passe à autre chose. Denis Roux va passer à la comédie. Claude Fournier va faire la même chose. Ouais. Ces cinéastes vont trouver d'autres formules pour le cinéma commercial. Et il y a quelque part où c'est comme si on est allé chez le chiro ou l'ostéopathe. On avait un truc coincé dans le dos, vous savez, juste là, ouais. Ici. Et puis, ils ont appuyé au bon endroit et ça s'est décoincé. Et une fois qu'on était décoincé, ben, c'était fait. Et c'était plus grave, on n'avait plus besoin d'en parler autant. Mais il y a là-dedans ce que moi j'appelle le principe du pendule. Ouais. Le principe du pendule, c'est le pendule est à une extrémité. On n'en parle pas du tout. D'ailleurs, ça n'existe pas. Après, on se rend compte qu'on a le droit. On ne parle que de ça. C'est une obsession. Et arrive l'entre-deux où le pendule reprend sa position normale au centre, où on sait que ça existe, mais on n'est pas obligé d'en parler tout le temps. Et donc, c'est l'évolution qu'on a connue en quelques années à travers cette vague de films érotiques québécois. Critique de cinéma à la radio, à la télévision, au co-auteur, je le rappelle, du Dictionnaire du cinéma. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.